Voilà. Bonjour. Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Voilà, attendez qu'on arrange un peu pour les amis de Facebook. Voilà, bonjour, bonsoir. Bah, le pasteur dit Molimo ikola kanaliloba. N'est-ce pas? Molimo, il faut qu'on laisse en on aliloba chaque jour. Il faut qu'on laisse yango chaque jour. Et Molimo ekokola. Alors, pour nous aussi, ça c'est notre église politique. Il me semble qu'il faut payer Bandimi Baliaka. Et Bandimi Mingi Mingi, oui, Bandi Konabiso, il faut Baliaka chaque jour. Au moins une, deux fois par semaine. Et Zamalamo. Donc, bonne soirée, Nabino Nyonso. Bonne nuit, Nabazanangambouya Azi. Et bonne journée, je pense. Bon après-midi, Naba Obazali Nangabouya Amérique. Merci. Donc, Toye, Lelo, juste pour Namouangonga Mouké. Mouangonga Mouké, Tomekakosolo, juste point moko. Koleve, ba équivoque. Naba compréhension, Nabiso. Et vous savez que les Cambounions sont Mutuakoloba, Bisso, Batumususo, Tozali Kolanda, Yé, Tokogi comprendre Yé, Nandenge Mususu, par rapport à l'idée na Yé, qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et surtout que Ndenge Toyebi Bisso Nyonso que Bissoba Congolais, Tozali na moi culture wana ya makasi, ya incompréhension. Incompréhension et pas na Bissoba Congolais, Ezali vraiment makasi. Alors, souvent, il faut faire très attention quand vous parlez aux Congolais. Et belé ba comprendre yote. Alors, il faut que les kaka ko expliquer. Sinon, incompréhension en étikali pe vérité. Y a de ceux qui me disent les grands Mouyaka. Oui, je suis les grands Mouyaka. Je suis dans la grande famille Bayaka, comme vous le savez. Bayaka sont le Bayaka, les Basuku, les Bachokwe, les Bapelende, tous ces gens-là. Donc, je suis le vrai grand Mouyaka. Voilà. Donc, je disais qu'il y a une compréhension, il faut qu'on me quand même peut qu'on lève bah, équivoque, hein, na kati ya biloko wana. Ezali, ndenge na biso ba Congolais. On comprend toujours mabé. Vous voyez, un jour, j'ai dit Fatshi Béton, na eloko oya salaki. Na lobby bien, nga mo na préciser. J'ai précisé, j'ai dit juste na parole na ye. J'ai dit juste na parole na ye. Y a qu'à suspendre installation, y a qu'à suspendre makambo ya minembwe. Na lobby bien, juste pour parole. Ah, mais combien au bataxengati? Ah, bon, money. Prof Nabino a commis Fatshi Béton. Prof Nabino a changé côté. Prof Nabino a changé camp. Mais non, moi je ne viens pas ici pour satisfaire quelqu'un. Ozalande konangai, ozalande konangate, ozalanani, ezala opesa inga biloko akolia. Tu me nourrissais. Je ne viens pas pour te satisfaire. Moi je viens pour les Congos, pour satisfaire les Congos. Je ne suis pas une personne où y a léché bah individu jamais jamais ezala ozali papa nangai maman nangai grand frère nangai petit frère nangai jamais Combien qui me disent, pour vous dire quelques vérités, combien qui me disent, mes frères, ou t'es là au village, moko, soukou. Parce que chez Félix, il y a entre guillemets un conseiller qui est de mon village. En réalité, Azali cousine Nangaï. Azali cousine Nangaï, village Nangaï. Elle-même a tenté à maintes reprises. Yaka, yaka, moi je ne viens pas. Je ne viens pas. Na yebisakaye toujours. Elle a tenté, il faut venir. Nakoyate. Moi, je ne peux pas venir lécher les bottes de Félix parce que je sais comment est-ce que Félix est arrivé là. Nayebi sakaye. Et ma frère, Nabiso, il dit, oh, yo, zo critiqué Félix. Mais yo, yebi teke ndekona, yo, azana biro ya Félix. Moi, je ne viens pas pour satisfaire ndekonangai. Ndekonangai na Félix bazana liboulou. Ndekonanga na Félix bangomi balé bazali na liboulou. Na yebi ke ndekonanga c'est problème d'argent. Et ça problème de conviction, c'est problème d'argent. Ndekonanga peut-être sika zalaki bon, moi kokosope zalaki bon, tika kaka. Tellement er mokope moi Félix aleka ki ba côté kuna bon. Alambeli ma Félix mwanda mbiloko côté kuna so pesa Félix bilo akolia akobosana yote à part Martin Fayulu abosana mutabane ko pesa e bakamar. Vous comprenez? Donc moi je ne viens pas pour satisfaire les gens. Moi je viens pour satisfaire les Congo. Ce qui mutasa eloko malamo, je dis merci pour na eloko sali. Même je me pose à toi. Ce que sali eloko malamo. Merci. C'est pour cela que j'avais dit merci. Fachi beton, na parole na ye. Yako suspendre ma kambwa mi nemwe. Na parole. Et na bakisaki. Tellement to ibi Félix, ce qu'il dit, eza oya salakate. Na ko zonge la ye. So ki a sali yangote ma kambwa lobi. Na zonge la ki yete. Il a dit mi nemwe. Ti lelo, ata décret moko, ata ordonnance. Tozomona te. Abosani yango. Minembe kuna soki commissaire, soki nani, soki maire, soki nani. Il continue de travailler. Bazo percevoir ba taxe. Ba taxe wane zo kende wapinga na yoto ebite. Mais Congolais, non, prof a changé côté. Non, il faut ko landa moutou, o yoka moutou bien. Toti kaka ben compréhension na bisto wana. Hier, j'avais parlé, il y a Monsieur Oyo, ce qui Barnabé, si c'est Barnabé, qui a prédit la mort, il y a Félix, qui a dit, Félix, ce qui a démissionné, parce que Balobi, coalition, cohabitation, alors, Rekozalanini, ce qui a respecté Makamwa, donc il faut démissionner. Ce qui a démissionné, il répond à un journaliste, à Kolia Mbouma. Bon, il y a mon copain à quelqu'un expliquer na parquet, soit na parquet à l'obino. Mbouma, je voulais dire à Kolia Froui. À Kolia Froui, parce que ce gars-là a évolué dans RCD. RCD, c'est Rwanda. Rwanda ou Bwenge. Alors, bango na bango bakutani batu alukuta. Batu ba memiye kuna batu ya Kadiosha. Ye a koli na Bwenge. Alors, Kadiosha zo zije Bwenge. Olinko lobani ni para Kolia Mbouma. Ubwenga lobi a Kolia Froui. Alors, Sikoyo. Quand vous gouvernez par les mensonges, bako yape ko répondre bino na ba mensonge. A lobi na bino ye alinga yiko loba Mbouma wana alinko loba Froui. Froui na lingala ba lobani ni Mbouma te. Il a répondu en quelle langue? Alingala, n'est-ce pas? Alors, ba yebisa traduire en français. Alors, il y a traduit roupé, il va manger le fruit. Est-ce que traduction n'a pas été? Bon, mon niveau, il y a Obwenge. Bon, mon niveau, il y a Obwenge. Alors, Obwenge na Kadiosha, bakutani donc, makale komata putulue kotikala. Ah, bon, mon yango, donc, na tribunal la makala e mati, putulunde tikali. Voilà, gestion ya mboka na biso na ba mensonge. Ye moko président mensonge. Ba collaborateur na ye ba menteur. Alors, ba kekuta na kuna. Donc, ubwenge na kadiosha formalisé. Ba tchango formol. Voilà, donc mon problème est que l'obitant na sala ki vidéo live na biso, j'avais dit que je ne connaissais pas ces messieurs Barnabé. Na yebiété, na moni bande ko belé balobi azali rwandais et j'avais bien dit que na yebiété. Live nangai même post nangai n'était pas pour que na côté la c'est Barnabé là. D'abord au départ azali mutwa RCD Kadogo. Je pense que biso ba otozali batozali la mémoire ya mabe ya batwana bakadogo. Parce que le jour où batwana bakota ki na Kinshasa, mama ya bana na ngai azalaka na maternité. Tokei na maternité azui pas ya kobota na 19h. Tokei na hôpital ya ba maser na Kingasani. Ba rebelle bakoti ba camion ezate eloko ezate circulation ezate kaka ba militaire na balabala. Imaginez-vous que passe à kobote bani na 19h toke to komi na hôpital ya ba maser na Kingasani na 21h ba garder kuna jusque vers ba 3h du matin ba zo benganga ba bi monsieur moi si na yo moyen ezate il faut bokende mama yemo na tango ba yebisingai. Na keko ozwa sak place na tika ki peut-être mbongo po na futa ya ambulance. Le maser me diron non. Na hôpital na biso ambulance ezate. Il faut luka moyen bokende. Je discute maser albi mais monsieur, le temps que tu discutes moi si na yo aza l'agonie. Kolongo bato ba yebi Kingasani ba yebi kolongo hôpital ya ba maser na Kingasani. Kokoma na boulevard. Ezwa ki biso 2h. Et pourtant la makolo esika wana okoyi ko sala même 10 minutes. Olongo hôpital ma sœur obimi na boulevard 10 minutes. Mais moi si na zemi de jimo. De jimo. Poto longo hôpital ba ma sœur na to koma na boulevard, ça nous a pris 2h. Biso mi balé na 3h wana. Na memaye, na komemaye ndenge nini. Zemi ya munene. Na kosala ndenge nini. Azo kwa kutambula te. Bon. Priyere na ye zalaki makasi. Tozo pusa na pa moko. Ye kuna kaka zo priye nzambe sunga ngayi. Nzambe sunga. Ngape priyere na ye bite. Ngape priyere na ye bite. Mais quand même, nous sommes arrivés na boulevard. Tout comme na boulevard, kaka ba militaire batu bazo leka. Na telemesib jipa ba militaire. Boyebi kaka ba militaire, na biso baka dogo ndenge bazalaki. Ba bandina nparko pesa nga ba mbata. Na salye lokote na telemesib bango, ba yoki nanu te. Pourquoi na telemesib bango? Entre autres, pembeni na boulevard, ma femme longe na prince, na mai. Na mai, longe, azo bouje susute. Na zui nanu dembata. Avant ba yoka ngai. Bango pe shwaili, nga shwaili aiko. Erezma moko na bango, atuni nga lingala. Problem nini na yepsi bango, mwasi na nga zo kufa yewa na lali na boulevard, na prince, wana, na terase, na mai. Bosu ngangai, na memaye na hôpital. Ba abi jamais. Oye kamer ba militaire luka ambulance. Abi ambulance ezate boyebi. Couvre fe ba militaire na ba militaire mutazo bougete. Ba abi bon, toko memakaka mwasi na yo. Yo debriye yaka na mama yemu. en tout cas, bakadogo. Alors vous allez me dire que ngai na kote la Barnabé wana un kadogo. Na zana souvenir ya mabe na bango. Yo debri toi, Landa. Oh, Moninga la banga lobi me. Boko me maye kuna nana kofuta mbongo hôpital. Bakoti si biso, biso mi bale. Imaginez-vous, moi si zemi ya munene, ba jimo. Ba tche na jipa ba soda oye zala kalokola ba bana sima. Ha? Ba vandi vandi ba pesani mi Congo. Ba tche e wana avani na posiwa. Parce que place ako tche na posiwa ko la les ate. Ba jipo wana zala kana ba kiti deranje. Ba tali mamsusu, ba tali koto, ba msusu, ba tali mupanzi wana. Ba tche na posiwa ko vanda. Mais elle était déjà morte. Tokomi ver bitabe na katye 12 na njili. Mwaye ezate babi. Boko tsa ye na roi Baudouin. Tokomi na roi Baudouin. Tokomi na roi Baudouin medesin azate. Infirmière moko abi papa makambo na yebi kute. Na bandi musala kaka sikoyo. Na yebi makambo te. Pesa nga numero a telephone ya doktero yebi. Doktera ya mbaka telephone te. To vandi na hôpital ya roi Baudouin ti 6 heures. Mwaye ezate monsieur Luka mwaye wokende mama yemo. Bandeko moko na hôpital wana bayaki pela bandeko na bango basungingai to bimisi eti na boulevard na wenza bitabe weza na boulevard. Camion a Sabenan oye bandeko tika ba passager non staff ya ba avion ya Sabenan. Na telemisi yango ngabi pardon boko lekate regardez là-bas chauffeur était un gars je pense il était pilote hein, ba belge ba boyina no moye za tete comme mamutu te mboke za bien te to yebiti ozana ngabi regardez moko na bangwa kitia ya ta non il faut l'aider elle est mourante il faut l'aider ba kote sibiso toke ne mama ye monzela ya poids lourd toko makote ba 15e rue moyen zate to baluka boko tsa na Saint Joseph toke na Saint Joseph docteur azate baninga na ngato ke luka docteur mo na lemba to kangi docteur ko kanga to ye na ye docteur bakisi zate anesthésie ezate pharmacie basi babuki anesthésie ezate loko ezate boye bisanga basoma bateka ngo apina kene kosomba garde malade moko alobia nga la somba ki anesthésie basala ki ngo te pona mwasi nga somba ateke linga ngo peut-être 100 fois cher na sombi nga moko nazala assistant ya docteur Batu bazate kota yomoko kota. Docteur azo gidenga Simba boye. Oh sala boye. Oh ngana yebe lokote je l'ai fait. Le docteur a opéré. Mwana moko viva, mwana moko akufi déjà. Banda 7 heures. Jour elandaki. Ki docteur a yeko sala opération wana ba 9 heures. Mwana moko si akufaki. E mwana o atikala yewana o na beta abino li solo grande star na Kore. A yebani ko leka nga moko. So ki bazala abango mi bale. Alors ngayi nazala na plaisir ya kokote la Kadogo. Loko la Barnabé wana kote la ye. Kabila d'abord au départ kozala Rwande. Batona nyoso ba ya na groupe wana tout le monde. Nazana kanda moko e pana bango kosakanate. So ina kuta ina muta, yibishi nga deja ki Kadogo, il est venu avec Laurent Désiré Kabila. D'office, il m'a échangé, je pense à mon enfant qui est décédé. Moi, j'ai dit, Barnabé wana, na yebi yete, azali, soit Rwanda, soit Rwanda. Mais na moni, ba kamarade nyo son anzana bango na Facebook, qui m'ont écrit, que en réalité, prof, Barnabé wana za Rwanda, te, Barnabé azali Congolais, mais, Kadogo ya RCD. Voilà. Quand on dit oui, azali Rwandais na sens auto bengelaka ba Congolais qui ont participé na ba crime na ba Rwandais. Alors, na ye ko loba boye, makambu na ye a lobaki. Moi, je n'apprécie pas ces gens-là. Et na lobakutu na linga ka bangote. Na linga kabangote. Alors, mais moutou même olinga kayete, il peut dire des histoires où ils allaient vrai. Et pas nabiso na ba Congo, culture nabiso ezali ko rejeter nyonso. Tellement moutou olinga kayete, makamu nyonso il faut rejeter. Yango monaka, to ye na live boye. Alors ba milouvor déjà herba monio ozo bongisa ka ba te, ba micro na yo ozo bongisa ba monio déjà na live ba bandi déjà ko sauter mais boye bindenge nini mbala mususu na ye ko me rejoindre na bino boye bindenge nini bino déjà ba bandi ko finga c'est ça les congolais mais presque les amis de l'est m'ont écrit que ces gars là en réalité n'est pas rwandais azali soki rega ya est en boka na biso me bana oyo bakadogo o ba rekrita ba yana bango makolo na Kinshasa. Il faut se dire de vérité. Ce qui azali congolais mais azali na titre moko to zwa ndenge moko lokola ba Lambert Mende to zwa ndenge moko lokola ba Shadari to zwa ndenge moko lokola ba Muzito to zwa ndenge moko lokola batu nyoso oyo ba yeko favoriser le mal na mboka na biso des congolais oyo ba yeko participer na ba crime avec des rwandais mais ça ne signifie pas que lelo même Mozito a participé na ba crime économique avec Kabila to lo ba ke Mozito aza rwandais mais non Mozito n'est pas rwandais Mozito aza congolais Shadari n'est pas rwandais Shadari est congolais Lambert Mende n'est pas rwandais, Lambert Mende est congolais, mais ce sont des congolais de course qui ont participé na ba crime na mboka na biso, na bango na ba rwandais liboke moko. Mais quand il faut identifier, localiser origine na bango, Lambert Mende c'est un congolais criminel. On dira peut-être que Barnabé c'est un congolais criminel. Alors, Makambo Barnabé, wana soki Barnabé alobaki. Est-ce que Zali Lokuta? Groupe na bango ya FCC, ndenge ba ya wana, na IDPS, mais bazali batu moko. Écoutez, lelo yoso ke yiko signé na Diable, na lobaki yango lobite, bandeko na biso. Lelo so ke yiko signé na Diable. Vous vous attendez à quelle sorte de mort pour na yo? Ok, consigné na Diable, na intention qui est na bomaye. Mais Diable a ko bomayo. Yo ke na Diable, ebite beke makambozo sa na Diable ezali mabe. Alors, vous vous attendez au koufa lokola nani? Au koufa lokola pape na Rome, ba yebi kazo koufa ba yaba bongisa ye, ba priye po na ye, ba koufa malamu pape na biso wa Roma. Non, au koufi na, au signé deal na Diable, attendez-vous na fruit na mutuna yo. Okozwa mbuma. A moins que osa toujours na bango respecté makambo solo la. Na lobaki yango lobi, soit ozali na peuple, bakote la yo, soit ozali yo moko et okozwa fruit. Et j'ai démontré approche ya Félix que peuple okote la ye. Mais tout ce que j'ai démontré hier bande ko na biso kaka lobi na lobi lelo bobosani. J'ai démontré que Makambo Félix Azo Sala et qu'il a poussé peuple était bakote la ye. Na loba ki yango. Ba pesiye salaire ya 2,070 millions. Moutou peuple a kote la ye wana. Pendant que le peuple salaire ezate. Bana na biso ba école ezate. Bo pito ezate. Ba kis ezate. Masque ya pamba oyo ezate. Mais lui se tape un salaire de 2,070,000 dollars. Moutou ba kote la ye wana. Ye aza ko niye ba mort na biso, mutu bakote la ka ye wana. Uganda futa biso mbongo na biso 10 milliards de dollars. Ake ko loba Uganda, bo futa te, me bo bate la ngayi. Mutu bakote la ye wana. Voilà, bilo ke ko yiko tinda ke Felix aza mutu, oyo bako yiko kote la jamais. Alors, loko lo kene ko sire na Diable, o bebi si na peuple. Mais il faut s'attendre na liwa ya ndenge nini. Mais il faut que la logique il va mourir na fruit. O signé na diable. Combien de fois ton lobby n'a de konabiso Félix? Natangwa ke ikula tobi, longwa kuna, longwa kuna. Loba makambo bo signaki, loba na biso, bako ede yo, longwa kuna, peuple ko ede yo, mais à condition, o loba vérité, azo wangana, nazana li kambute, na signa na bangote, di les ate, ngande ba votanga ko vote, lelo e komi di les ali, peuple boya ko sa yisangay. Mais non, il nous a pris 2 ans. Il nous a pris 2 ans, jour pour jour. Azo wangana. Bande konayo ko luka biso, na ba aéroport, ko beta kabato, ko finga kabato. Lelo peuple nini oyo bolingi, soki bande konaye, ba diable, o bakena ko signe deal na bango, ba lobi na ye, soki o respecte makam to signe kite, o rozoa mbuma. E biso problème na biso ezali nini na kati wana. Soki to peki sakaye te, c'est bien. Botiki ndeko na bino nerere, pourquoi? Mais to peki siye. Tika makambo wana. Na ba ndeko na ye batu bakote la kaye. Tala, botika okote la ye boete. Ndeko na bino azana mbeba. Ndeko azana mbeba. Te, azana mbeba te. Bovanda, ba yaka, ba kuizinye, ba jalou, ba ene, ba tribalist. Mais batu oyo bo fingi biso tozali ba jalou, ba ene, ba tribalist, ba mpangistane. Ba yaka. Bokeye pa na bango. Bolobi baza ba frère na bino. Baza ba partenaire na bino. Oa kolobe na FCC azali ndoki. Nana yoka yangote. Kabund ladi. Oa kolobe na FCC azali ndoki. Ye moko Félix a bengi biso ba nyangala kata. Esika kendaki. Baninga na ye. Ba collaborateur na ye. Ba tushir. O ba sali eloko ten na mboka na biso, ba yibate, ba bomate, ba bongisi nde Kongo, ake epa na bango. E bebeli bango, oke ko lia na bango, bo kaboli ba salaire na bango, bozo kabola ba dépassement budgétaire na bango, e bebeli yo, oye ko tourne na ba bola oyo bo sundola. Ba ekole ezate, ba kisi ezate, moye ko tambole ezate, ba passeport ezate, identité ezate, nzala. Bo tourner si ko e pana bango peuple boya quel peuple mais le peuple oyo ba finga ka biso bango nyoso to monaka soki mutomba finga yote na tongo chibwa ba ko fingo na butna na après iner soki chibwa bote ngalula ko finga yo soki ngalula te ntumba ko finga yo soki ntumba te kazali ko finga yo soki kazali te mute ba ko finga yo alors bo sala groupe entre bino nyoso kazali ngoyi mute ba ntumba ngalula ilunga bino nyoso Boke nde soko defendre ndeko na bino. Paske eto zo loba. Ndeko azali na mbeba. Boye bisaye alongwa. Bo fingi biso. Tozali ba jalou. Ba ene. Ba tribalist. Ba mpangistane. Ba yaka. Alors lelo e komi isusu. Soki batu ba lobeli. Barnabete. Ndeko na bino Barnabete. To komi batu mabe. Non. Asume. Boko sili sa yango. Boko sili sayango. Alors, moi ce que j'ai dit, Ezali, na cadre, ya Félix a respecté l'engagement. Kota kene ko sine dil na ye, e bebeli bango. Ba yebi siye ki ogolia mbuma, mbumango to yebite so Ezali fruit nini, so Ezali mangue, Ezali tomate, Ezali pomme, to yebite. Ye moko Félix a kopona. Alingi, bale sa ye mbu manini. Bale sa ye mbu manini. Kozanga koyoka. Kozanga koyoka. Arrogance tribal. Ki vantar ya pamba ya lokote. Bozela, bokomona. Boko mesana. Mais tozo mesana te, bo moni. Bino siko bo mesani, boko miko zonga epana biso, bo ya peple. Peple ako ya to. Peple ako ya to. Bo sili sayango entre bino. Mais se Barnabé, ce qu'il a dit, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Bien que Barnabé wana, azali moko ya munguna na biso. Po na ngai, munguna na biso azali nani? Munguna na biso azali ba Barnabé wana. Munguna na biso azali Kabila. Munguna na biso azali Félix. Félix na Kabila, ce sont des fruits pourris. Na mboka na biso, des fruits pourris. Alors, il faut to longola fruits pourris wana nyoso mi balé. Ba Barnabé wana, ba oyo nyoso batikali bazo landana bangoi, ba ilunga, ba chatumba, ba oyo nyoso ba finga kabiso. Ba fruits oyo, ezalaki pembeni ya ba fruits pourris, ezwizwi deja ba tache. Na tango zo bwaka ba fruits nyoso mi balé oyo ezali pourri, kotika oyo ezwi ba tache te, yango pe longola yango. Parce que ezwi deja ba bactéries na kati ekoti, malade ekoti na kati. Donc, Kabila, Félix, bazali ba fruits pourri na kati ya mboka na biso, bazaka ka bango mibale te, batachete pe ba fruits mususu pembeni na bango, na tango zo bwaka les deux fruits, ko bwaka fruits moko te. Parce que o bwaki fruits moko osali loko moko te, il faut qu'on boit que les deux fruits, ils ont pourri. Kabila peut partir aujourd'hui. Est-ce que Félix a outil à corruption? Félix a outil à corruption, t'es? Kabila peut partir aujourd'hui. Est-ce que Félix a encore maillé? A encore maillé, t'es? Kabila peut partir aujourd'hui. Est-ce que Félix a aux expériences? A aux expériences, t'es? Donc, na Félix, na Kabila, bango mi balé, il faut que l'on la bango. Oh non, Félix aza mwana mboka. Oui, toboite, azali mwana mboka. Azali pe 50% mwana mboka. Parce que 50% mususu, azali angolais, c'est vrai. Lui-même l'a dit, na landa ye, na radio, soki okapi, soki na radio nini. Il l'a dit. Azo pe sa borujine ba para na ye. Alors oui, papa na ye, abotama, apesipe na cheferi, plas abotama na kabayaka mwanga. Tondimi yango, on a vérifié, Etienne Tshisekedi aza congolais. Ye moko Félix alobi na ngai, alobi na biso, mama na ngai auta Angola, azali angolaise. Ngam na lobi yango. Lelo ngana loba ke Félix aza 50% congolais, 50% angolais, na komi mutu mabe. Oh. Mais c'est lui-même qui l'a dit. Lobi na yebisaki bino, en comparaison avec Oyo Bazo Benga Keita Ndiang. Mais Keita Ndiang, papa ya Fayulu, mama ya Fayulu, bazaba kongole, papa ya Fayulu mboka na ye, Fatundu, na Bandundu. Entre Kikwit na Masimanimba, Fatundu ezali. Yango bozo mwana, nani, Mate Fayulu luketo akobina. Na er ya emper, oto bandei ko benga ba animateur populaire. Konkure bandei ozana ba kolektivite, Fatundu, Bindungi, Kibolo, Kinzenga, Kitoi, Mokamo. Concours ya danse ya ba animateur politique ya MPR. Mais il faut ko pika po bozwa trophée wana na batwa Fatundu. Non, bamba la Fatundu baza terrible. Donc bango kaka donc soki a chaque année concours ya ba animateur ba collectivité ba ko organiser yango. Bato bane o remporté, ce qui batu ya Fatundu te, batu ya Kitoi. Ce qui batu ya Kitoi te, Mokamo. Les trois wala ba collectivité, ce qui Mokamo te, Kinzenzengo. Ba collectivité wala ya Bambala, bango nyos wala Bambala. Mais basan a luket moko blague à part, o saganate. Ba collectivité moussous, oh non, Bindungi, oh boye, ah, botika bino, luketu e lemba. Yango bozuma luketo ya Fayulu euta na makila ya papa na ye Bambala ya Fatundu. Mama na ye aza muyanzi. Ah oui, Nkarewa. Keita Ndiang. Na bango mibale, qui est étranger, soit Robitoroba, congolité à 100%. Pour nous, le président de la République, il faut que congolais, il y a un grand-parent, il y a 100% congolais. Mais violation, il y a la constitution, il y a un Félix Tshisekedi n'est pas 100% congolais. Il est 50% congolais, 50% angolais, c'est vrai. Il y a un lobby, il y a un lobby. Alors, Ezra qui est juste mise au point, je n'ai jamais pris part à Moutouloko la Barnabé Wana. Ce que j'ai dit, Barnabé Wana, Nabak Félix, Nabadil Nabango et Bebeli Bango. Mais ce que a dit Barnabé en considérant Badil Nabango, c'est vrai que Félix ne respecte pas l'engagement. Homme politique a Zalaka Bongote. Homme politique, soko li ko respecte l'engagement, te Zala Mayele, peuple, il faut Zala na yo. Zala Mayele na peuple. Futa peuple. La kisa bolingo na peuple. La kisa ke yo zo lite contre corruption na peuple. La kisa ke yo na bureau na yo mouyibi ezate. La kisa ke salaire baso pesa yo 2 millions 70 000 et le ki e belé. Kata zong sa msou se pa peuple. Tika la tana 70 000 dollars. Maison civile na yo, 2 millions de dollars chaque mois, chaque année. Bazo sili sa mwana mwa. Ba rétro commission ba 15 millions ezo bunga. Ozo zo ba mbongo ba 57 millions de dollars. Ozo pesa un Libanais et pourtant na Liban ata Congolais moko atikala ozo un centime te ya président ya Liban. Na histoire mboka na biso Congolais moko te atikala ozo même un centime ya gouvernement Libanais. So ki azali abima awala ksa mousapi azo ki ngona ndenge nini. E yo zo mbongo on pèse un Libanais, 57 millions, et pourtant, ba Congolais, au bazo kele ba Turquie, bazali. Ba Congolais, ba architecte, bazali. Chani Metal, nabiso, ezali. Oyo moutou a peuple, andenge nini. Oyebi ke Chani Metal, bazali, ba koyoko salaman zandawana, kotonga bandako préfabriqué. Oyebi ke ba architecte, namboka nabiso, ba koyoko tonga bandako. IBTP, ezali. Bana yi BTP ba zali bandako soki batongi okoyi ko lula peut-être bandako mususu zana ba France te bazali eloko ezanga bango nini moyen ba Congolais bazo kene na Turquie bazate kaka moto ayebi esika bateka ka bandako na préfabriqué za Jamal ozui 57 millions au PC moto peuple ako kote na ye wana. Bande kona biso ba architecte ba sisa na IBTP, ba zo chome. Pona ko zo marché, ba souliye zo sila ba onke luka moutou a zo tongandako. Moutou moka zo tongandako na ibi ko tongana za architecte. Yo président, olobi mwana mboka. Tope sa pouvoir na mwana mboka. Mwana mboka si yo ka zo pouvoir. Bolinginin. Mwana mboka zo pouvoir, men a zo teka biloko, a zo pesa biloko na bapaya. Mwana mboka zo pouvoir. Uganda zana nyongo na biso 10 milliards de dollars. Mindele même balingi biso te, mais moi molimo ekoteli bango pour que ba pousser Uganda ba pesa biso mbongo wana tellement to zana crise. Ils ont compris na Congo bazana président sika mbongo ezate. Ils ont compris accélérer le processus. Uganda a pesa bango mbongo na bango ne fût-ce que 10 milliards wana 10 milliards ko tonga même moi banzela ki chassa. Yo zui a mbangu avion Matamaski Airway na Uganda. Oko makuna Museveni tika kopesa mbongo te protege biso. Yo na Museveni bokomi mukanda. Mukanda ezali c'est officiel. Botindeli bazuji ya mindele kenon likambu wana botika. Mindele bakamwe barobi ba Afrika ba obonga suti. O zui pouvoir. Oza na mbongo te. Ozo tambula tambula koluka ba investisseur. Me boza na mbongo ya kode fate mbongo na bino ba boma bandeko na bino na Kisangani. Uganda 10 milliards. Uganda ba sala pelte. Kebiso to bomate. Uganda bandima ba kondana bango. Toze leka siko Rwanda peza la kondane. Paske batu ba boma ebeleza Rwanda. Uganda mutu ba boma muke 10 milliards. Rwanda ba wapesa biso kombien. Yo zui avion. Mutu peple ako kote la yewana. Ozu avyo oke na Uganda, Museveni tika makambo oyo, kofuta mbongo anate. Eza ko lokate? Muta okote la yo, na pepla kote la yo. Alors, mutwana Barnabé azali muta okote la te. Na kote la ki yete, ma makambo mususu alobaki, ba verite ezali, c'est vrai. C'est vrai. Satan appelle le bagamama comme sous sa vérité. C'est pas dit que Satan est mokopé par la Bible ou sa mingi pour dire que non, Satan a le bagamama le kouta. Non, Satan appelle ma kamba vérité à le bagamama. Satan a pe makamba verite a lobaka. Alors, nkoyi kokote la kadogo te. Kadogo wana, Barnabé, na ye, na Félix, na Kabila, na batatu o union so bazo finga kabiso na ba mikolope ba mamu ba ye danze ba mamu. Vraiment ba mujinga pe. Ezala ki liboso kazadi ngoyi ntumba mikolo na zomona ba kazadi ba mwema. Oh. Donc comme isu na ba mamu. Donc merci beaucoup. 40 minutes. Et Zalaki Poto ça la mise au point. Nganaza parmi Batu Oyo Bazali ba victime. Ya Batu Oyo to bengi bakadogo. Oyo bakosa biso ba libérateur. Mais bakadogo anaba ya pona nini. Bakota ndenge nini. Bakota pona politique ya mabe. Ya opposition na biso. À cette époque-là, cette opposition est Zalaki incarnée par Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ce qui est un secret de Mulumba, c'est encadré qui est Mobutu très bien politiquement. Mobutu a été militaire. Natango zo sala une opposition avec un militaire. Il faut qu'on y ait une dengue nini, une stratégie nini, ou qu'on ait une mémaïté au pouvoir. Mais tu sais que le Mulumba, problème n'a pas de pouvoir, le problème n'a pas de carton et yanandako. So yba kartu e yete, mikolowana da suki mabe. Mikolowana da suki mabe ya kofinga Mobutu butu moi. So ki ba kartu e ye, ako benga ye susu Mobutu te, ako benga ye president Mobutu. Me so ki ba kartu e yete, ako benga ye Mobutu, criminel, assassin, dictateur. Mutu moka atika okanga ya zate. O babande ko sala ba théâtre wana théâtre po ba mona ye ko za opposant mais ba ye ko pesa ye pouvoir combien de fois ba pesa ye premier ministre joie il était incapable de travailler azaki na stratégie a mayele place à l'équipe mwana na ye na mayele yangwana et tient ce que de s'arranger pour éviter ya ko sala musala parce que ayeba ike so ki a sali musala incapacité na ye ko monana. Alors, pour nous garder popularité, abané qu'on s'arrange pour nous éviter à ça la moussalaté. Peuple, ce qui va tirer pression, va tirer pression à Andimi. A aucun de kuna, à qu'on s'arrange pour nous que l'on moka bébé ça, pour nous bouta benganaye. Bon, Congo, alobi na biso, prof Yombi, problème na yo ezali que ozali informé te sur ba réalité. Quelle réalité? Est-ce que mbongo ya so de mouton, plus de 600 millions de dollars, ezali réalité o biso nga na yebite? 15 millions, ezali réalité o na yebite? Jamala yi 57 millions de dollars, ezali réalité o nga na yebite? Son salaire, ezali réalité o nga na yebite? Alors, na ebite bandeko, na ebite. Na ebite ko supporte moutonga makila, nga sentiment wane ye la gangate. Moi de gens au tovan yamboka moko batulokola ba kinke Mulumba. Toza na ye territoire moko. Moutonga ati kinke Mulumba, c'est un vagabond. Kabila désir lobby, akati balabala komi opposant. Na ide pesbo yambi tellement boye bi ba jeune bino ndenge zalaka bino pe bozalaka ndenge wana ndenge na lobaka batuloka ba muzito ba kinke Mulumba tout le monde ces gens là ngai sentiment régionaliste sentiment ya territoire sentiment ya mwana na beto sentiment ya ngwashi ezalaka te ozamalam o baby si je vais te critiquer sur ozali homme public. Alors, quelle est la réalité pour vous avez dit que la réalité pour vous? La réalité pour vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez réalité. Quelle est la réalité? Vous avez dit que vous avez réalité pour vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Ah, monsieur. Donc, ce monsieur n'est pas sur YouTube, il est sur Facebook. Alors, la réalité à Congo, vous avez dit. Alors, bango batwa ebe realite angope bazolo bate. Alors, voilà. Yango tolingai koloba. Pona lelo. Alors, mbuma yango pe soki bako lesa ye yango, ba lesa ye. Deja mbuma yango, Adana Eve basi balia. Adana Eve basi balia. Soki bako lesa mbuma wana, combien de Congolais bazo lesa ba mbuma na Est? Nazongo na batu basi enkietete. En quoi Félix est très important par rapport à ba million de morts bazo lesa ba mbuma ba fruit na Est? En quoi il est important? Non, dites-le-moi, en quoi il est important par rapport à ce qui est le fruit dans l'Est? Vous vous inquiétez. On s'inquiète na mutu oyo azana besoin ya na volonté ya ko sali sa mboka. Je vous le dis, je vous le répète na réunion sur na lobaka yango. Ba signo o ezali e pa ya Félix. Ce qui se voit sur Félix, ezali mutu oyo te bokoki ko pesa confiance ke ezali mwana mboka. Félix aza mwana mboka te. Siko na loba na chiluba bien na loba mnoroni pour vous comprendre nga. Naib sakabino boy, il faut qu'on répéter, semblerait que batu msuba ba comprendre nga te. Mutu oyo aza mwana mboka to ko kotela. Tokoyo ko s'inquiéter ce qui ba partenaire na ye ba lobi ba ko lesa ye fruit. Ce qui ba moni ba signo ya bonne gouvernance ezali. To yebi ke mboka na biso corruption mobulu. Na niveau ya gouvernement so azo ko si sa corruption te. Il faut to mona ba signo ke na présidence na ye. Parce que na présidence na ye Kabila zate. Na présidence na ye po a décider. C'est pas Kabila qui influence pour avoir décision. Na présidence na ye mbongo ezo bunga. Na présidence na ye corruption, légèreté. Na présidence na ye c'est pléthorique à ton disi ba cousin na ye. Qui ne mérite pas ko sala musala wana. Na présidence na ye il accepte un salaire qu'on lui donne. De 2 070 000 dollars. Alors, boye bisanga sini nini. Oyo toko yoko lobake no, mutu oyo azali mwana ya mboka ya solo, azali pour le peuple. Alors, Barnabé, soki Kabila ba menase ye, ba lesa ye mbuma, ça nous inquiète. Voilà d'où vient ma question. En quoi Félix est important par rapport ya bandeko na biso na est butu moye bazole sa ba fruit? En quoi? Parce que Félix est là pas pour nous. Félix est là pour lui-même et sa famille. Kinshasa est en guerre te. A ken Angola ko loue ba avion pour baya ko intimider ba to Kinshasa pour la sécurité na ye. Pour la sécurité, na ye na 700 bandeko na ye ba cousin na ye atonne si na présidence pour ba protéger bango, ba intimider Kinshasa. Mais na Congo, un vrai président, moi na mboka, au peuple ko ko kotisa. Même si oza na mbongo osala guerre te. Kende ko loue ba avion ya Angola, ba kende ko intimider ba rebelle, ba rwandais, oyo bazali ko boma bandeko na biso na est butu moyi. Ba avion est survolé même mukolo moko et intimidé bon et déchoisé bango peut-être bazaki na plan ya ko attaquer tango ba moni ba avion de chasse na likolo ba ko banga. Voilà un président mutuaza na peuple, un président qui se soucie na peuple na ye. Yo ozo sala kaka protection ba avion est survolé ndaku na yo ba to ba banga ke président zalia wa botala ba avion de guerre ya Angola ezo baluka. Na est kuna entre-temps, bande kona biso boutou mon yibazo liya bambouma. Alors, vraiment bande ko, il faut ko expliquer na ndenge nini pour comprendre. C'est une logique qui est facile à comprendre. Ezali facile à comprendre. Félix est là pour lui-même, pour sa famille. il n'est pas là pour vous. Bandeko ya Est, ayebisa ki bango na ko zonga na Est, na ko tia état major. 2 ans yango. Mandat itikali 3 ans. Soki akolia mbuma yango te. Na ebite fruit yango soki tondolo ou bien fruit nini. Alobaki akokufa po na paix. Kufa po na paix yango, akomi ke luka ba avion yango la ba ya ko survoler pour que batu ba banga. Ya zana besoin ya vie. Oh, mais vous avez dit vous allez mourir pour la paix. Mais si ko balobi ba ye la yo ka mbuma olia. Ndenge Adam na Eve baliaka mbuma yango eboma mukili. Tokoma batu ya masumu, tokoma kokufa po baliaka mbuma. Yopo lobi bon, ngayi po na pe na kokufa. Babi ah, ndengwana lokolo zo umela deza yango yo olobaki okufa po na pe, ozo kufa pe, peut-être c'est difficile. Mais alors, banabe aye toyela yo kasi mbuma, olobi nini? En tout cas, banabe alobi toyela yo mbuma, olobi nini kasi? Yo olobaki okufa po na pe. Banabe muta alobaki yango te, ngayite yo moko, oebisi batu akivu. Na kokufa po na paix na mboka oyo je vais mourir pour la paix. Alors, bazeli 6 mois ozokufate. Bazeli inane ozokufate. Inane 6 mois ozokufate. Paix yango pe ezoyate. Insécurité na mboka. Alors, banabe molimo sate côté liabo. Donc la présence ozokufa peut-être expérience ya okufa za na ngote. Alors, laissez-moi aller lui proposer les fruits. Barnabé a sali mabe. Oh, mukamate. Oh, mais yé Félix Nathan a l'obaye ke na okufa pona pe. Il fallait beaucoup kangaye. Parce que en réalité, Félix Nathan a l'obaye na okufa pona pe. Il y a deux Félix. Félix président et Félix humain citoyen. Alors, ce qu'a l'obaye ki na molimo ya humain, je vais mourir pour la paix. En réalité, service ya sécurité, il faut ba kangaye. Parce que comment c'est Félix humain menace de mourir? Parce que nakati il y a Félix humain, il y a un Félix président. Tentative d'assassinat. Il fallait pas kangaye. Na Félix, na Barnabé, bango mi bali, il fallait pas kanga bango. Barnabé menace le président, allez ça y est mbouma. Yé moko pe président s'est menacé lui-même de mourir. Hein? Logique, c'est ça, n'est-ce pas? Lui-même s'est menacé de mourir. Il fallait l'arrêter. La personne physique de Félix a menacé l'institution président de la République. Alobi na kokufa. Et le même jour, il fallait pas questionner. Yé, okufa ndenge nini. Na Amérique ndenge za na sobo moni Trump même si a gagné l'élection té. Ce que Trump a lobby lelo. Na zokufa. Boko mona service de renseignement okende kuna. Bako questionner yé. Ozokufa pourquoi? Loba na biso. Parce que bango musala na bango ko sécuriser. L'institution président de la République ko iko kufa té avant mandat na yé. Même après mandat 10 ans na Amérique. Bako pesa ka bango toujours bagarre. Kabilaye wana bopesye 2500 gardes. Pourquoi bopesye bagarde? Parce que stress est kokote la ya koyiko midi mbika. Alors, même si aza sou présidente, bopesye bagarde. Babate la ye. Mais yo, ozali président, tu te menaces yo moko okufa pona pe. Bon, bisope to mori ke ton dibi kufa kasi. Poto muna ike, olobaki likamoko ya mutuya, likamoko ya bien, très important. Banda obota ma 54 ans, la première fois na yoka yo yoloba likama mutuya, ya important. A se jige ye moko lui-même, la personne physique de Félix, il n'est pas important par rapport à la paix. Alors, il a choisi de mourir pour la paix. Parce que les Congolais, c'est la paix qu'on a besoin. On n'a pas besoin de Félix, c'est la paix qu'on a besoin. Alors, comme il a dit lui-même, il va mourir. Bon frère, vas-y vite. Il faut aller vite. A Oumeli. Barnabé, si comme Oumeli, côté lié. Ah bon? Le coup la présence à Oumeli, na ye la ye mbouma. Et comme il se sont non, mou kamate. Oh. Mais présent, il y a mou kala bagayalinga koufete. Ba ide yo ba sali mabe. Voilà, mes chers amis, merci pour na lelo. Ah, 40 minutes de l'équipe, déjà 56 minutes. Une heure au lekate. Voilà. Et donc, on a l'ingé que le Bayamana, c'est juste une mise au point. Naza moutabar na bete, naza na souvenir yamabe, yabatu oyo balobakabaka dogo. Mais ce qu'il a dit de Félix, ça c'est vrai. Natango sine na diable ko s'attendre te okufali wa moko logo la pape. Te. Natango sine na diable o linko kima diable. Okokufa na mbuma. Okokufa na mbuma. Na lobi peke, soki o linko kufa na mbuma te, zala na peple. Or, ye Félix na peple, moyen te. Alors, o lingi ndengenin. Okufa ndengenin. Na mbuma, obe loko la pape. Ce qui est le pape, zonga na peuple, démission, zonga na peuple. Na 2023, bako voter pour Congolais votaka combo, Congolais votaka programme T, Congolais votaka mutute non mutu nini asa, est-ce asa capable, capacité, asa une expérience. Congolais wana epana yeza kate, Congolais soit yoki kaka. Tshisekedi esili a voter. A voter, Congolais occupé, t'es que moi, na oh, tu sais que dit, est-ce que Azana Bic, est-ce que Azana Experience, t'es combo kaka. Alors, mon frère, Ozalina nos jeunes, vous avez 54 ans, démissionner la 2023, il y a Congolais qui ont voté, yo, au lieu, Batloka Babarnabe, Baye, Ba proposer à yo Bambouma. Et autre zone, Bana, c'est moi, je vous ai dit, Batou Balandanga, je pense que Bakoui ko témoigne, mais au Congolais, peut témoigner, rapport à Ndekona été. Moi, je vous ai dit, batu oyo bozomona bango mi balé. Félix na Kabila. Bako bomana. Je vous ai dit, na lota. Bandeko balandaka na video, na live, na bazo se rappelé. Na yipsa kibino, j'ai rêvé. Félix a assassiné Kabila. Et batu a Kabila na tourna bango représailles. Basi si famille a si tseke di nyos. Na lota. Si ko biloko tozo ka bambuma, bazo proposer bambuma, soki manga, soki tondolo, soki madame, soki mbuma nini. Kamonoko. Voilà, merci beaucoup pour l'Olanda Bisso de voir la photo. Na batu baza na YouTube. Ba pesa gade vraiment kozala na parti politique, eza pasia, eza pema. Oh prof, mikolono so yeso tie photo na sima background, il faut expliquer photo ana. Na ebite ndeko bandeko oyo projet ni bozana ngaba photo na. Bon voilà. Ngaye wala na vandi liboso oyo bozomona ce sont des étudiants ya université na ngate. Ba étudiant oyo baza ba étudiant ba koti na premier graduat na droit. Alors, juge moko na na ville oyo ba vandi na Dejon. Ya un juge encadre ka ba étudiant. Mingi, azana ONG na ye korienté ba étudiant na ba étude juridique. Alors, ce juge-là a ye ko mema ba étudiant oyo, ba bandaki juste ya une semaine ba bandaki ba cour na bango, a ye ko mema bango na bureau na université nanga na bureau nanga, pour que na solola na bango sur les droits de l'homme. Alors, ngape ye azo orienté ba étudiant oyo ba kende ba zo ba sala ba cour juridique, ngai na orienté bango ba pona côté droit de l'homme. Et bozomona eza pesa na kati ya bureau na ngate, mais na kati ya université, bozomona logo ya université yango wana. Atangisaka wapi? Ye ata prof ango université. Soko yebiko tanga te vanda. Logo ya université yango bozomona na bleu bleu na vert. Comment université yangwana? Tellement ba milouvor, il faut qu'on pèse à bango nyonso. Quoi, Félix? Il faut qu'on laisse aïe. Banda botama 54 ans, ba laisse aïe kak. Ba laisse aïe kak. Ba milouvor pe, recherche information, ba ébite. Ah, yé, alo bakaboui, professeur ne. Soko sa professeur a solo, la kisa biso photo la kata kaso otangsa. Me di, ces photos sont sur le net. O yébi vraiment ko sa recherche te. Nagabe ka mwanga Google les alagate. Voilà. Merci beaucoup et au revoir.